Donc, bonjour à tous et à toutes pour cette reprise de nos causeries avec aujourd'hui Michel Blais qu'on remercie chaleureusement. Bon, on verra après si on le remercie à la fin de son exposé. Et... c'est sympa, ça commence de façon sympa. Ok, écoute, il faut un peu d'humour. Donc, j'ai déjà présenté le CIRA à quelques-unes qui ne connaissaient pas, ceux qui en a d'autres qui ne connaissent pas, après la. L'exposé de Michel, le débat, on continuera la discussion autour d'un verre et puis vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez sur ce lieu. Voilà, donc aujourd'hui, on organise des causeries, on essaye à peu près, pas tous les mois, mais une dizaine par an. Donc en général, on fait venir un auteur, mais ça peut être aussi de la musique, du théâtre... ou présentation d'une lutte, présentation d'un journal. Mais bon, on est attaché au livre. Donc, Michel a écrit ce bouquin, là, il y a à peu près un an. Il est paru aux éditions L'Échappée, qui est un éditeur avec qui on s'entend très bien, ça tombe bien, qui publie plein de choses intéressantes. Et Michel, alors, Michel, on s'est rencontré au CIRA, puisqu'il est adhérent de l'association depuis quelques temps. Et qui, depuis qu'il est sur Marseille. Donc, apparemment, tu étais sur Paris avant. Tu as fait des études de physique, d'histoire et philo des sciences. Tu as été directeur de recherche au CNRS. Tes études portent sur la science et la philo. Il y a des choses, peut-être, je vous expliquerai, des choses un peu obscures, comme les conditions, les possibilités de la mathématisation de la physique. Mais je pense que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais est-ce que sinon tout le monde s'en va en courant ? Oh ben voilà. Non, mais on va poser les questions. Oui, mais justement. Après, tu t'intéresses à l'histoire. On peut le faire passer d'une certaine manière. D'accord. Donc, président du comité pour l'histoire du CNRS, tu avais écrit sur le CNRS sous Pétain, des choses comme ça. Après, oui, des choses savantes quand même, c'est quand même, il est savant. Hein. L'analyse de l'optique newtonienne, pas mal ça aussi. Hein. Et puis, alors, beaucoup d'ouvrages, t'as fait plus d'une vingtaine d'ouvrages. Nous, on connaît que celui-là, mais avant, il y a chez des éditeurs sérieux, hein, Vrin, Puf, Gallimard, Nathan, Ellipse, le CNRS, Hubert. Ok, ça c'est 22 livres en ton nom, des ouvrages collectifs. Des directions d'ouvrages et des articles sur Wikipédia, ils en mettent 50, je suppose qu'il y en a beaucoup plus. Il y en a plus. Donc un tas de revues de philo, d'histoire des sciences. Ah oui, Wikipédia, oui, c'est ce qu'on avait mis moi, ouais. À l'époque. Et donc, l'ordre du technique dont tu as parlé aujourd'hui, alors effectivement, je disais, mais bon, il y a beaucoup d'histoire des sciences, le mot technique revient pas souvent, bien que Marie-Vanne a trouvé des émissions sur France Culture où tu parles de quoi ? De l'innovation. C'est ça. Voilà. Ah oui, j'ai une longue vie derrière moi. C'est pas mal. Alors après, oui, ceux qui veulent tout savoir, tu es né en 48. Donc d'où la longue vie. Hein. Non, je me dis, tu as dû connaître des événements autour de mai 68 et peut-être y participer. Oui, c'est parce qu'après, tu pourras nous raconter comment tu es arrivé à te rapprocher des anarchistes, parce que ça, j'ai pas trouvé. Ah non, tu n'as pas trouvé. Pourtant. À l'échappée, on en a discuté parce que ça vous dira peut-être quelque chose, vous allez dire peut-être quelque chose des éditions Plasma. Oui. Oui, oui. Et Pierre Racheline. Oui. Pierre Racheline est un copain des années 68-70. Ah, oui. Très bon éditeur aux Cherches Midi qui a cassé sa pile malheureusement. Mais, et qui. Et les collections qu'il dirigeait, je ne sais pas si elles continuent. Mais avant, on a créé ensemble Plasma. Une revue. Là, on ne place pas, mais en 72. D'accord. Donc, et après, on a fait une maison d'édition et on a vu une librairie à Brochamp. Où ça ? À Brochamp, à Paris. D'accord. Au Carrefour Brochamp. D'accord. Puis une librairie un peu comme ça. Voilà. Ben, j'ai plusieurs vies, tu vois. Oui. Mais c'est formidable. Ouais, mais, et après, à Paris, Marseille. D'ailleurs, le livre est dédié aux amis de Plasma. Ah, ok. Parce qu'ils sont tous morts. Bon, alors toi, je ne sais pas ce que tu as fait pour survivre. C'est simple, j'ai fait un peu moins de... J'ai été moins suicidaire que les autres. D'accord. Parce que les autres, c'était Drachine en particulier. Mais après, quand on fait de la recherche, peut-être on veut toujours en savoir oui, plus. Parce que je suis parti un peu, j'ai décalé, je me suis dit... Mais je continue à avoir acheté. D'accord. Bon, ben, voilà. Toi, la parole. Donc, tu vois, il y a une histoire que tu connaissais. Il n'y a pas tout sur Wikipédia. Ben non, il n'y a pas tout. Et puis, on n'a pas assez discuté entre nous. Non. Parce qu'il n'y a rien de vaut les discussions. Oui, mais avec Cédric, on a beaucoup discuté. C'est vrai. Bon, alors, après cette présentation, voilà. Donc je vais parler uniquement de mathématiques maintenant. C'est ça que tu... Des maths ? Non, tu parles de ce principe, c'est bon. Plutôt la critique de la technique. Oui, c'est la critique de la technique. Alors, la technique est... Le point essentiel dans cette affaire... Bon, aujourd'hui, on est abreuvé de technique, il y en a partout, on vit dans un monde technique, on ne peut pas dire le contraire. Alors, la question qu'on peut se poser, et c'est celle qui m'intéresse ici, c'est de voir comment ça s'est constitué, d'où ça vient. Parce que l'idée de technique, quand on regarde et on lit les ouvrages dits d'histoire de la technique, on a un long mouvement, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la technique commence en gros à la pierre taillée, hein, Néandertal, et que ça se termine à l'IA aujourd'hui dans un progrès continuel, homogène et merveilleux, comme ça, qui finit à nous et à l'IA. Bon. Bien, je pense que cette histoire-là est totalement erronée, parce qu'elle ne permet absolument pas de comprendre ce qui s'est, à un certain moment, de passer. Parce qu'on voit bien qu'il y a quand même un rapport à la technique qui n'est pas le même, chez les anciens et aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et comment cela s'est-il passé ? Bon, c'est ça dont je vais commencer. Il y a une technique, on va prendre les anciens d'abord, on va essayer d'être assez simple. Qu'est-ce qui se passe chez les anciens jusqu'au XVIIe siècle ? Qu'est-ce qui se passe chez les anciens ? Vous avez une certaine idée de la nature, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière la technique, il y a une certaine conception de la nature, de la manière dont on pense la nature, la manière dont on vit la nature. Chez les anciens, quand je dis les anciens, c'est à peu près tout le monde. Bon, c'est essentiellement les Grecs et puis l'époque médiévale, on peut dire que c'est à peu près toujours pareil. La conception de la nature, elle est pensée comme un dynamisme, une continuité. La nature, c'est ce que les Grecs appellent la physis, c'est-à-dire c'est un principe immanent qui dirige les choses. C'est-à-dire que l'idée centrale qu'il y a derrière ça, c'est... génération, corruption. C'est-à-dire que vous êtes dans un mouvement continuel, cyclique, de génération et de corruption. La nature, c'est ça. Voilà. Ça, d'ailleurs, vous pouvez vous rendre compte, on vit, on meurt. Génération, corruption. Tous les êtres sont soumis à cela. Ça, c'est la nature pour les anciens. Et oui. Désolé, j'ai deux questions vocabulaires. Je ne connais pas les termes immanents. Et est-ce que tu peux définir ce qu'on entend par corruption, du coup, parce que moi j'entends corruption politique, mais du coup là je ne comprends pas très bien le propos, parce qu'il manque des mots. Corruption, c'est tel qu'il est utilisé dans ce contexte. Corruption, c'est par exemple les fruits qui pourrissent et qui disparaissent. C'est la corruption. C'est les corps qui disparaissent. Nous mourons, c'est la corruption. Donc il y a naissance, il y a génération, c'est l'apparition. Et puis, il y a la corruption. Bon, c'est la fin. Donc, c'est un mouvement cyclique. Tous ceux qui travaillent la Terre connaissent absolument ça, puisque c'est le mouvement des saisons aussi, génération, corruption. Et la nature, c'est un principe. Alors, pour Aristote, c'est un principe, disons, je dirais pas immanent, mais c'est-à-dire présent continuellement à l'intérieur du monde, qui provoque ce surgissement continuel de la nature. On peut le dire comme ça. C'est ça la nature. Et à côté de cela, il y a le monde de la technique. Il y a le monde de la technique, c'est-à-dire que les anciens font des instruments. Mais il n'y a aucun lien entre la nature et les instruments. Les instruments sont fabriqués par les hommes, la nature a son propre dynamisme. Les deux choses sont séparées. Or, c'est précisément sur cette séparation qui va disparaître au XVIIe siècle et qui fait que qu'on va penser le monde, la nature totalement différemment. Et donc la technique, c'est ça qui est essentiel, c'est qu'on ne vit pas, il n'y a pas une idée de la nature qui est la même depuis Néandertal jusqu'à nous. C'est pas vrai, ça n'existe pas non plus. La conception de la nature évolue aussi de la même manière. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur ces affaires de la nature. Alors, qu'est-ce qui se passe comme, bon, si vous avez d'une part, bon, chez les anciens, une technique, on fait des instruments, on fait des machines, on fait des choses comme ça. D'un autre côté, vous avez une nature qui vit sa propre vie indépendamment de ça. C'est deux choses différentes. Alors, qu'est-ce qui se passe au XVIIe siècle? La question est, elles sont des ingénieurs, Galilée est un ingénieur, Descartes est aussi une figure d'ingénieur en fait. Comment peut-on expliquer le monde? Comment peut-on expliquer le monde? Or, le monde tel qu'il est, tel que le pensent les anciens, c'est quelque chose qui flue continuellement, qui évolue continuellement. Comment pouvoir expliquer quelque chose qui change continuellement? Ça, c'est pas possible. Vous pouvez en tout cas pas utiliser les mathématiques qui, elles, ne pensent que l'éternel, le permanent. Les mathématiques sont hors du temps. Alors, comment faire ça? Alors, il y a une solution. C'est éliminer de la construction que l'on va faire tout ce qui relève du sensible. Les couleurs, les odeurs, tout cela du monde, on l'élimine. On ne garde que ce qui est essentiel, le mouvement et la forme. C'est-à-dire ce qui est essentiel pour un ingénieur pour fabriquer des objets. Qu'est-ce que va faire à partir de ce moment-là? Qu'est-ce qu'on va faire au XVIIe siècle? On va considérer, d'une façon hypothétique, on va considérer le monde comme une machine. Si vous considérez le monde comme une machine, c'est une hypothèse. Ça ne veut pas dire que le monde est une machine, contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui. Le monde est pensé hypothétiquement comme une machine. Je fais l'hypothèse que c'est une machine. Avec ça, je vais pouvoir expliquer un tas de choses. Je vais pouvoir faire des lois mathématiques de la machine. C'est une machine. Et l'intérêt de la machine, c'est qu'elle est stable, c'est-à-dire qu'elle n'évolue pas, elle n'est pas dans la transformation continuelle. Tout ce qui est de la nature, tel que le pensaient les anciens, est totalement éliminé. D'un certain point de vue, il n'y a plus de transformation. Donc vous êtes dans un monde, c'est une machine, c'est-à-dire qu'elle est là, et vous pouvez étudier comment elle marche uniquement par la forme et le mouvement. Ce sont les deux seules grandeurs qu'on utilise pour refabriquer ou rendre raison de tous les phénomènes que l'on observe. Alors ça, c'est... Alors, à l'époque... Au XVIIe siècle, cette machine, et donc ça va permettre, si le monde devient une machine, on va pouvoir utiliser les mathématiques pour expliquer la nature. Avant, on ne pouvait pas. Si vous voulez, on prend par exemple, si on veut étudier un papillon, qu'est-ce qu'on fait? Il bouge tout le temps, il est tout le temps en mouvement, il évolue continuellement. Ben, non! Vous attrapez le papillon, prenez une aiguille, ping, vous le plantez, puis vous commencez à le disséquer mort. Le principe de faire de la machine, monde, pensé comme une machine, c'est la même chose. Ça vous permet d'étudier le monde à partir d'une représentation fixe du monde comme une machine et non plus comme un continuum. Donc ça change absolument toutes les possibilités. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une confusion entre ce qu'on appelle la nature et ce qu'on appelle la technique. Le monde devient une machine. Et donc on est complètement dans une autre forme de technique. Et d'ailleurs, on le voit immédiatement, parce que ce monde machine conduit immédiatement à la construction et au développement des écoles d'ingénieurs dès la fin du XVIIe siècle. Et on va faire de l'argent avec les machines, parce que c'est bien les machines, ça permet de faire travailler des gens, gagner de l'argent, les machines on les construit, puis avec les machines on fait des choses, etc. etc. Donc il y a toute une première industrie qui se met en place. Alors, c'est là que je voudrais intervenir un petit peu sur la question de la nature, pour arriver à des choses contemporaines. Là, on entre dans des confusions absolument terribles. J'ai parlé de nature depuis le début. Des écologistes, des gens aujourd'hui pensent qu'il n'y a pas de nature. Ils éliminent le mot nature. Alors, vous pouvez être un peu étonné, mais ça, c'est pas très surprenant. Parce que, voilà, bon, par rapport à ce que je vous ai dit, on fait l'hypothèse du monde qui est comme une machine. Bien, on le pense comme une machine. Au 17e, 18e, il n'y a pas de problème, puisque les autres, Descartes, Galilée, sont des croyants. Donc à côté de la machine, il y a Dieu, qui est un extérieur à la machine. Le jour où il n'y a plus Dieu, il n'y a plus que la machine. Ça, c'est la fin du XVIIIe siècle, il n'y a plus que la machine. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a trois... On peut considérer qu'il y a trois manières d'aborder la question de la nature. La nature, vous pouvez la concevoir de façon simple. Vous vous promenez, bon, vous regardez les papillons, vous regardez les herbes, vous promenez un herboriste, vous faire ça. Vous pouvez être aussi la regarder comme un paysan qui en même temps étudie ses champs, regarde ses champs, va à la chasse. C'est déjà deux natures absolument différentes qui sont perçues. Vous pouvez la voir aussi comme un ingénieur qui se dit « qu'est-ce que je vais pouvoir installer dans ce champ ?» comme ça, etc. Donc ça, c'est une première vision, disons un peu immédiate de la nature. On a chacun la nôtre quand on va se promener à la campagne. La deuxième conception de la nature, c'est la concevoir comme une machine, ce que je viens de dire. À partir de ce moment-là, il y a identification entre la machine et la nature. Puis il y a une troisième manière, la manière des anciens. Elle est toujours là. On ne peut pas la nier. Elle est toujours... Naissance, mort, génération, corruption, ça existe toujours, ça n'a pas disparu. Quand on parle aujourd'hui de dire que la nature n'existe plus, comme la tour ou tout ça, quand on dit que la nature n'existe plus, c'est qu'ils confondent totalement, ils assimilent totalement la nature au monde technique. Il n'y a plus que la nature, il n'y a plus que la technique. Or, il n'y a pas que la technique dans le monde. On peut expliquer, et c'est pour ça qu'on peut utiliser la technique pour changer des tas de choses dans l'individu et dans tout ça, mais ça, c'est l'utilisation de la technique, mais ça ne met pas en cause l'idée qu'il y a toujours une nature qui fonctionne, qui évolue, qui se développe. Elle n'est pas niée, celle-là. Elle marche ensemble. Il y a plusieurs conceptions simultanées de la nature. Il n'y en a pas qu'une seule. Et c'est en ce sens qu'aujourd'hui interviennent des confusions considérables concernant le rapport à la nature. On mélange tout. Il faut bien distinguer les niveaux. C'est pas parce qu'on a transformé le monde en une machine, en le pensant comme une machine qui se développe continuellement, on devient de plus en plus énorme, la machine, mais c'est toujours une machine, que pour autant, on naît, on meurt, il y a des saisons, le monde se développe, il vit, il continue à vivre, indépendamment de cela. Ce qu'il faut, le monde machine, c'est une conception plaquée sur le monde. C'est pas le monde, c'est une... Dire que le monde est une machine, c'est une erreur profonde. C'est confondre l'hypothèse et la réalité. Or, la nature, elle reste toujours énigmatique. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que l'univers? Qu'est-ce que l'infini? Tout ça, la science ne répond pas à ça, et la technique non plus. Donc il y a toujours cet arrière-fond énigmatique derrière, qu'on ne peut pas nier, dans lequel se situe effectivement génération et corruption. On ne peut pas le nier, ça existe toujours. Bon, c'est comme ça. Alors ceux qui le nient, eh bien, ils nous entraînent automatiquement dans un monde de la pure technique. C'est-à-dire dans le transhumanisme, en gros, c'est ça. Au bout du compte, c'est ça. Tous ceux qui nient la nature nous emmènent dans le transhumanisme. Ce qui bloque le transhumanisme, c'est l'idée qu'il existe, malgré tout, une énigme, une nature qui est là. Alors, j'en étais donc, après ce petit commentaire, vous pouvez me poser des questions si vous voulez au milieu, moi ça ne me dérange pas. Déjà, il y a eu un exemple au fond de quelqu'un qui a posé une question, donc les autres peuvent le faire aussi, librement. Alors, je peux faire des digressions, je peux ne pas répondre, je peux m'énerver, enfin, tout est possible, mais les risques sont... Vous prenez les risques que vous voulez. Bon, alors, nous étions donc à cette époque, et j'ai fait cette petite digression sur la nature parce qu'elle me paraît très très importante pour que les choses soient bien calées. Alors, il y a aussi... Bon, la physique, la science, la technique se développe au XVIIe, puis au XVIIIe. Mais au XVIIIe, il se passe quelque chose. Hein, je vais essayer d'être le plus clair et simple aussi. Il se passe quelque chose, elle se développe mathématiquement. C'est normal, c'est la machine, c'est les ingénieurs, ils font marcher la machine. Ça rien d'étonnant. C'est pour ça que la fameuse mathématisation dont tu parlais tout à l'heure, elle est rendue possible parce qu'on pose le monde comme une machine. Les Grecs ne mathématisent pas la nature. On ne peut pas. Parce que quand on a une nature qui flue, comment on peut mathématiser ce qui flue? On ne peut pas, puisque c'est déjà parti. Pour pouvoir mathématiser, il faut avoir l'idée que l'écoulement est stable. C'est-à-dire que ce qui existe là... J'ai parlé tout à l'heure, ça n'existe plus. Où c'est passé? Et ce qui est devant nous n'existe pas encore. On est bien d'accord. Donc, ça, on ne peut pas mathématiser. Ce n'est pas possible. Pour mathématiser, il faut nécessairement qu'il y ait une stabilité. D'où la machine qui tue la stabilité, qui met en place la stabilité. Donc, cette mathématisation se développe. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que progressivement, et financièrement, je veux dire, la machine, c'est très intéressant. Parce qu'on fait des machines qui vont permettre d'extraire des matériaux, permettre de faire travailler des gens, et immédiatement, ça joue un peu le même rôle que la banque, c'est-à-dire ça permet de faire des affaires. Et vers la même époque, vers 1750, l'économie commence à exister. Et là, l'une des questions que se posent les économistes, et une des questions centrales, et en particulier, tous les grands vont prendre en tête, là, mais ça va me revenir, c'est pas grave, c'est comment mesurer le travail ? Parce que c'est bien que des gens fassent marcher des machines, mais comment mesurer le travail ? Qu'est-ce qui mesure le travail ? Ça, c'est une belle question qu'après, reprise par Marx et compagnie, mais comment mesurer le travail ? Alors, c'est les physiciens qui s'attachent à ça, et la mesure du travail, en particulier c'est en français et en allemand, Coriolis et puis Helmholtz, vont penser qu'on peut mesurer le travail par disons une formule physique qui reprenne du 18e, parce que oui, non, qui est le produit du bois par la longueur déplacée. Bon, ça correspond, un travail, ça consiste souvent à déplacer un poids, d'une certaine distance. On n'est pas encore dans l'IA, hein, donc c'est pas le même travail. Hein. Donc ça, c'est ça le travail. Ça permet de mesurer le travail. Mais, à partir de ce moment-là, et quand aussi des travaux, j'appelle cette formule mathématique travail. C'est la première fois qu'on définit le travail en tant que travail au sens moderne du terme. Ça ne voulait pas dire que les gens foutaient rien avant, mais le travail maintenant devient une marchandise monnayable. Et c'est la première fois qu'on a du travail monnayable. C'est-à-dire qu'on peut mesurer le travail, et à partir de ce moment-là, on crée la valeur, et la valeur des objets, c'est précisément le travail qui a été fourni. Et ça, c'est une conception totalement différente du travail. Complètement différente du travail, et en même temps, l'utilisation de cette formule mathématique qui est extraite du XVIIIe siècle fait en sorte que la physique, dans sa totalité, devient assujettie à l'économie. Et l'économie va devenir... La physique va uniquement travailler va abandonner le style XVIIIe pour entrer dans un style que l'on appellera plus énergétique, qui va être un style d'exploitation et d'accroissement du travail, c'est-à-dire de productivité. C'est-à-dire qu'on a le travail, à partir du moment où on a le travail, et c'est à peu près, on peut dire que c'est vers 1780 que ce qu'on appelle le capitalisme naît effectivement. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser, Bachet le pense aussi à peu près comme ça. Donc c'est à peu près à cette époque-là, parce que précisément on a la confluence de deux choses. On a une conception, disons, de la technique, on a une conception d'économie, les deux fusionnent pour faire de l'argent et du profit. Parce qu'on sait mesurer le travail. Si on sait mesurer le travail qui crée la valeur de l'objet, l'objet, c'est pas l'objet en tant que tel qui a de la valeur. C'est le travail qu'on a mis dedans. C'est ça qu'on mesure. Donc on pourra augmenter le travail de chacun, donc la productivité, donc l'exploitation, donc la construction du capital. Et c'est à ce moment-là que ça surgit. Et de ce point de vue-là, la construction de la science ou de la technique, ce qui est à peu près la même chose, est corrélative du développement du capitalisme. On ne peut pas extraire la science du capitalisme. Il n'y a pas une science stratosphérique. Elle est toujours liée. Et je pense que ça, il faut bien le concevoir de cette manière, sinon on ne comprend pas ce qui se passe. Et ce qui advient, c'est qu'effectivement, la Terre elle-même va être pensée comme un travailleur. C'est-à-dire qu'on va progressivement extraire, et on va voir ce que la Terre produit. Elle va produire. Donc on aura une Terre totalement et continuellement, disons, exploité au même titre qu'un travailleur est exploité. Et nous sommes toujours là-dedans, dans cet extractivisme continuel, qui est dans ce monde. Et à partir du 19e siècle, il n'y a plus de confusion, il n'y a qu'une nature, c'est la mécanique. Il n'y a qu'une nature, c'est la machine. Et on va progressivement, de plus en plus. Et évidemment, ça devient un monde irrespirable. Ça devient un monde totalement irrespirable. C'est le monde du 19e siècle, de l'explosion du capitalisme. Et là, c'est vraiment très clair. C'est-à-dire que c'est. Il n'y a pas à réfléchir. Ce qu'on oublie la plupart du temps, quand on travaille là-dessus, c'est de penser qu'il y a derrière tout ça une science. Et que c'est cette science, cette technique, qui est un des moteurs essentiels. Justement, je voulais demander, est-ce que tu peux définir le rapport entre science et technique? C'est la même chose. Ah, d'accord, pour toi, c'est la même chose. C'est, ou pas? Alors, le problème, ça dépend à quelle époque on se place. Il n'y a pas une histoire des sciences, il n'y a pas une histoire des sciences qui commence chez Néandertal et qui se termine avec l'apogée du 21e siècle, avec la mécanique quantique. Il n'y a pas ça. C'est pas vrai. Il y a une science associée à la connaissance, qui est peut-être plutôt celle des anciens et des médiévaux, l'idée de connaissance, donc connaissance purement gratuite de savoir, et à partir du 17e, parce qu'on est dans un modèle qui est le modèle de la machine, on n'est plus dans une connaissance, on est dans la fabrication de la machine et le développement de la machine. Et on est donc ailleurs. Et c'est pour ça que c'est pas la même technique. D'ailleurs, c'est pas la même technique, tout simplement, ça se voit. Il y a les écoles d'ingénieurs, et puis tout d'un coup, les types savent faire des horloges, ils savent faire des machines, ils savent faire de la balistique, ils savent faire des tas de choses comme ça, parce que c'est plus du tout la même technique. C'est une technique qui fonctionne avec les mathématiques et qui se substitue au fond, c'est l'engendrement des phénomènes naturels. Alors c'est complètement différent. Et si on ne comprend pas ça, on ne pige rien à notre modernité. Ça, on n'y pige rien. C'est incompréhensible. Oui. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement de l'émergence de cette notion, de cette conception avec l'apparition des automates de Vaucanson, etc. C'est la même période? C'est la même période, oui. Vaucanson, c'est, d'un certain point de vue, les automates de Vaucanson, c'est l'idée de l'homme-machine. D'ailleurs, à la fin du 18e, on pense l'homme-machine. C'est-à-dire que la machine, enfin, je vais rebondir sur ce que vous venez de. C'est à la même époque, jusque oui, Vaucanson. Oui, c'est à la fin du 18e, Vaucanson, puis après il y a les autres fabricants d'automates. Mais la fabrication des automates, c'est l'idée que l'homme est une machine. Et cette idée va continuer à être développée. Hein. Elle va continuer à être développée avec fébrilité, je dirais, pendant tout le 19e siècle. Parce qu'il faut comprendre l'homme comme une machine. Puisque la nature est une machine, pourquoi l'homme ne serait pas aussi une machine? Donc c'est une machine. D'ailleurs, il y a des expériences, c'est pas Vaucanson, c'est à la fin du 19e siècle, on montre souvent ces images aujourd'hui, parce que c'est artistiquement très intéressant, les films de Marais. Marais, ça dit peut-être quelque chose. Bon, Marais. Alors, les films de Marais, on voit un cheval qui court, on étudie tous les mouvements du cheval, on voit un bonhomme qui saute, qui fait ci, qui fait ça. Et bon, aujourd'hui, on dit, voilà, c'est beau, c'est artistique. Non, mais c'est rien d'artistique ni de beau. C'est simplement pour étudier la manière dont un homme doit s'installer à une table pour travailler correctement ou à un établi. Quelle est la meilleure manière pour un homme, conçu comme une machine, pour mieux travailler et être plus productif? C'est Marais, c'est rien d'autre. Et à la fin du 19e et début du 20e siècle, il y a toutes les études sur l'homme-machine qui sont corrélatives au taylorisme, au stakhanovisme. Voilà. Et ça se met en place là. Parce que l'homme est pensé comme une machine, il est pensé comme le travailleur machinique et comme la Terre est là pour produire. Tout le monde n'est là que pour produire. Mais parce qu'on a cette nouvelle conception qui mélange, qui fusionne l'économie et la technique. Alors, c'est pour ça que je pense qu'à partir du début du XVIIe siècle, la science, non, disparaît. La science disparaît au profit de l'ordre du technique, parce que l'ordre du technique, alors, bon, je peux dire un mot du titre, parce qu'il correspond maintenant à ce que je viens de dire, l'ordre du technique, c'est la conception globale de la société, c'est-à-dire que c'est c'est le technique, c'est-à-dire qu'associé à la, comment dirais-je, à la, c'est une organisation sociale centrée sur les constructeurs, c'est-à-dire les ingénieurs, et qui produit au bout de quelques décennies, même d'un siècle ou deux, ce qu'on appelle la technocratie. Le mot technocratie, c'est 1921. Donc, le mot technocratie apparaît. Et c'est l'organisation sociale, c'est une classe sociale, c'est celle, en fin de compte, qui apparaît avec ça, c'est celle qui a une partie de l'argent, parce que les gens qui ont de l'argent, des hommes, qui savent faire marcher les machines, possèdent les machines, et qui, en plus, ont le pouvoir. Donc, voilà. Et ça se met en place comme ça. Et ça se met en place dès le... C'est une figure de la bourgeoisie, si je puis dire, qui s'installe et qui devient de plus en plus prégnante dans la société. Et aujourd'hui, elle est absolument partout. Et qualitativement, pour vous, elle implique qui, c'est-à-dire les ingénieurs, les... Tout l'encadrement. D'accord. L'ordre du technique, c'est la mise en place d'un ordre social autour de la technique et pour la technique. Et qui conduit automatiquement à un assujettissement de l'homme à la technique. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, quelqu'un comme Helmholtz au XIXe siècle, qui travaille sur la thermodynamique, sur tout ça, explique que... pour une fois, je vais citer un peu quand même, parce que je crois que j'ai ça là. Voilà. C'est un physicien, il s'intéresse à des tas de choses, puis au bout d'un moment, il se dit, oui, mais tout ce que j'ai fait, il reste encore parmi les actions naturelles, celles des êtres organisés. La plupart des phénomènes de la végétation sont chimiques. Dans quelques-unes des actions naturelles, il y a un léger dégagement de chaleur. Il s'y accumule principalement une grande quantité d'énergie chimique, dont l'équivalent de chaleur nous est restitué dans la combustion des plantes. C'est-à-dire que ce qui était... de la nature devient immédiatement pensée sur le mode physico-chimique. Et un peu plus loin, quant aux animaux, on possède déjà quelques points de départ. Ils absorbent de l'oxygène et les combinaisons oxydables compliquées que les plantes ont formées. Ils rendent ces combinaisons pour la plupart brûlées à l'état de CO2 et H2O et une partie réduite en combinaisons plus simples. Ainsi, les animaux dépensent une certaine quantité d'énergie chimique et produisent de la chaleur et de la force mécanique. Celle-ci correspond à une quantité de travail relativement petite comparée à la quantité de chaleur. La question se réduit donc, d'après le principe de la conservation de la force, je n'en parlerai pas, à savoir si la combustion et la décomposition des substances servant à la nourriture forment une quantité de chaleur égale à celle que les animaux restituent. La réponse est affirmative, du moins approximativement. Vous voyez, la réduction de tout à ça. Bon, la nature, les animaux, nous, voilà, ils sont là. 1850, réduction. Et on voit bien qu'à ce moment-là, tout ce qui est toute la nature devient physico-chimique. Et le vivant disparaît. Qu'est-ce que le vivant à ce moment-là? Est-ce que le vivant est réductible à ça? S'il est réductible à ça, nous ne sommes que des machines. Ce que je ne pense pas, pour ma part, parce que je vis et je meurs, et donc les machines ne vivent pas, elles ne meurent pas. Ne naissent pas, elles ne meurent pas. C'est lequel philosophe qui a dit que l'animal est une machine, ça? Descartes, hein? Oui, alors, mais Descartes, c'est compliqué. Ah. J'ai fait une petite remarque sur Descartes. Je l'ai déjà fait, mais je peux la refaire, parce que tu n'as pas bien suivi. Ah, bon. J'ai raté un petit bout. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y a de... Pour Descartes, le monde est une machine, c'est une hypothèse. Mais il y a d'une part, il y a Dieu. Et qui est Dieu? Dieu, c'est l'infini. Et de l'infini, on ne peut rien dire. Donc il y a un extérieur qui est pour l'homme, l'infini, c'est son âme, appartient à l'homme. Donc l'homme n'est pas réductible à une machine, parce qu'il a l'infini en lui qui a été mis par Dieu. Là-dessus, si tu ne crois pas en Dieu, tu n'es plus qu'une machine. Voilà. Et c'est ça qui est embêtant. Donc si on ne veut pas tomber là-dedans, il faut conserver l'idée qu'il y a quand même du non réductible, du non absolument réductible, qui permet de sauvegarder à la fois notre liberté et le fait que nous ne sommes pas que des machines. Oui. À cette époque, Non, non, mais c'est pas grave, c'est sympa pour moi savoir depuis combien je bavarde. Je pense au positivisme. Oui. Et en même temps, ce qui émerge aussi, c'est qu'il y a le courant romantique qui va commencer à interroger d'une manière artistique quand même ces questions-là au niveau justement peut-être spirituel avec Shelley, Frankenstein, tout ça. Ce qui est intéressant. C'est tout à fait vrai et c'est tout à fait juste. Ce sont les premières critiques. Les premières critiques qui vont dans le même sens de ce que je viens de raconter, c'est Goethe. Goethe et ses critiques de Newton. Il y a des passages magnifiques de Goethe qui dit Newton abîme la lumière en la faisant passer à travers un trou, à travers un prisme. Il abîme la lumière qui est magnifique, il l'abîme. Mais c'est pour dire la lumière, ce n'est pas que la physique mathématique de M. Newton, ça je connais bien ça. Ce n'est pas que la physique mathématique de M. Newton, c'est autre chose. Il y a une autre dimension. Et c'est cette autre dimension sur laquelle vont revenir les romantiques d'un certain point de vue. Mais parce qu'au départ, il y a une critique du monde mécaniste qui est en train de se mettre en place et qui, pour eux, pour un certain nombre de valises et tout ça, est totalement insupportable. C'est insupportable. Et effectivement, c'est une des premières critiques, c'est la philosophie de la nature, philosophie allemande, on va essayer de s'attacher à ça, et de critiquer, mais bon, ça n'aura que par rapport à la machine économico-technique, ça n'a strictement aucun poids. Mais évidemment, ça donne une idée, ça va dans le sens de ce que je raconte. Voilà. Oui ? Goethe a écrit une théorie découverte qui est un livre magnifique. Ah ben, je te remercie. Je vous invite à tous à le lire parce que c'est vraiment... Il a une vision de la lumière et de la couleur qui ne se réduit vraiment pas ni à la physique ni à la chimie. Il a un imaginaire, il transporte dans des endroits... La théorie des couleurs de Goethe est très magnifique, oui. C'est vrai, il faut le lire. C'est une pensée qui dit, voilà, la lumière, ce n'est pas que cela. Et c'est un peu ce que je voudrais faire passer un peu aujourd'hui. C'est que la technique, bon, on en vit, on en profite, mais ce n'est pas que ça. Il y a autre chose. Et si on oublie cette autre chose, c'est fini. C'est fini. Or, beaucoup de gens aujourd'hui, en niant l'idée de nature, nous entraînent vers le fini. Parce que c'est la nature. C'est parce que la nature existe, je vis, je meurs, hein, bon, et puis je ne peux rien, c'est comme ça. Il y en a certains qui ne voudraient pas mourir, qui veulent faire ci, faire ça. Mais non, elle est là. Elle est là. Et justement, une position philosophique, c'est de vivre avec ça. Et c'est là qu'on construit sa propre liberté et son existence. C'est dans ce contexte-là. Et je pense que tout bon anarchiste doit être dans cette pensée-là. Il ne peut pas être ailleurs. Sinon, c'est il y a quelques technophiles dans le milieu anarchiste. Il y a quelques-uns, c'est ceux qui n'ont pas compris. Bon. Ben, il y a des courants inconnus, mais pro-nucléaire. Oui, ben... On peut ne pas être anti, mais il faut savoir les limites de cela. C'est les limites surtout, et c'est ça que je veux vous montrer. C'est qu'il y a des limites et que, parce qu'au départ c'est une hypothèse, c'est une idée sur le monde. Mais il y a des tas de choses qui sont des idées sur... Ben, je vais prendre juste un exemple en passant, qui sont des idées sur le monde, et moi j'aime bien le temps. Ouais. Ça m'amuse beaucoup, le temps. Le temps passe. Vous êtes bien d'accord? J'ai ma montre, vous avez tous des montres. C'est quoi ce temps? Tout à l'heure, j'ai dit, là, il y a l'instant, mais ce qui est avant est passé, donc ça n'existe plus. Ce qui est avant n'existe pas encore. Et ça, alors, ça mesure quoi, ça? Puisque ça mesure ce qui est avant et ce qui est après. C'est quoi ce temps? Le présent. Eh ben, un instant. Ça me dit un instant qui est déjà passé. Bon, je regarde ma montre, il est déjà passé. Bon, okay. Donc il n'existe plus. Alors, juste là, je ne vais pas développer parce que ça, j'ai mis ailleurs dans un livre à venir avec Chrono Garcia. Donc, mais le temps, juste, mais c'est un petit commentaire parce que c'est, c'est amusant. Ça revient à ce que j'ai dit au début. Le temps, chez les Grecs, chez pratiquement tous les peuples, tout le monde, est un temps cyclique. C'est le temps du retour. Parce que c'est le temps de l'agriculture, c'est le temps du retour. Il n'y a pas de temps linéaire. Bon, alors, sauf chez les Hébreux, parce qu'ils attendent le Messie, c'est un horizon, ou pour les catholiques, les chrétiens, parce que le Messie est arrivé. Et le Messie annonce une eschatologie à l'horizon. Donc il annonce un temps avant, un temps après. Il annonce donc un temps linéaire. Donc il n'y a pas de pensée du temps linéaire en dehors du christianisme. Donc là, vous êtes tous des chrétiens, ça je le savais, et ça, on peut le dire, ben oui. Et alors, je vais poursuivre. Donc ce temps qui apparaît progressivement devient, au cours des siècles, mais ça je ne rentre pas dans le détail, le temps des marchands. Et puis surtout, au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, il y a un personnage, Newton, justement, qui annonce le temps. Le temps abstrait qui coule uniformément s'appelle durée. C'est notre temps. Il est créé à ce moment-là. Et c'est le temps qui devient notre temps. Parce qu'il devient le temps petit t de la physique. Et c'est ce temps qui nous encadre totalement et qui aide au développement de la machine. Parce que pourquoi est-ce que Newton introduit ce temps absolu et cet espace absolu simultanément pour pouvoir construire la mécanique, c'est-à-dire pour construire la machine et son développement. Et nous vivons donc à l'intérieur du temps pensé par Newton, ce qui nous a totalement éloigné du temps de notre vie. Parce que dans le temps abstrait de Newton, ça va dans un sens, ça va dans l'autre sens, on ne naît pas, on ne meurt pas. C'est uniforme. Et c'est le temps de la mécanique. C'est le même temps. C'est-à-dire qu'à travers le temps, nous vivons dans une machine. On ne peut pas dire autrement. On ne peut pas dire autrement. Et ça, et alors, autre chose qui est très intéressante, c'est que ce temps abstrait, quelqu'un a dit, vers les années 1750, 1760, au moment où l'économie apparaît, « Time is money ». Qu'est-ce que c'est ce « time » Qu'est-ce que c'est cette monnaie? Ben, ce « times », c'est le temps de la machine, c'est-à-dire c'est le temps abstrait newtonien. Et si vous avez du temps abstrait newtonien, ce temps abstrait, vous pouvez le vendre parce qu'il est abstrait. Le temps de votre vie, vous ne le vendez pas. Ça permet le développement du salariat. De l'État. Donc ce temps aide à la fabrication de la machine dans laquelle vous vivez. Cette machine est en fin de compte extrêmement et donc permet le salariat, permet la construction d'une société de salariés. Au Moyen-Âge, il n'y a pas de salariat. On peut donner des choses à plein d'autres. Le salariat est une histoire que le monde, ça apparaît à la 16e siècle, mais ça se développe vraiment à partir du moment où on a un temps qu'on peut vendre. Et on vend son temps. Mais on vend, c'est du vol. Vous ne pouvez pas vendre le temps de votre vie. Mais vous pouvez, parce que il est concret. Mais le temps abstrait, vous pouvez dire, je vais travailler 6 mois, mais vous, c'est quoi ces 6 mois? Ils n'existent pas. C'est abstrait. Hein? Vous direz ça à Roland, le livreur. Bon, donc on est de plus en plus. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans. On est à l'intérieur de cette machine. On est à l'intérieur de ça. Et alors, comme on est à l'intérieur d'une machine, là, il y a aussi, donc le vivant est pris en compte par cette machine. Alors, et puis maintenant, la machine se développe continuellement, et puisqu'elle se développe, elle doit surveiller tous les êtres qui sont à l'intérieur de la machine. Parce que tous ces êtres, ils n'ont pas à vivre n'importe comment. Hein? Puisqu'on est en fin de compte dans une sorte d'usine. Et on doit surveiller tous les êtres de l'usine. Donc la surveillance généralisée est une nécessité pour le développement de la machine. On ne peut pas y échapper, c'est inhérent au développement de la machine. La surveillance s'accroîtra tant qu'on pensera et qu'on ira dans ce sens-là. Il n'y a pas, on ne peut pas y échapper, soit en faisant autrement. Bon, voilà. Et cette surveillance qui conduit aux fameuses Smart City, hein, puis on en a vu un exemple pendant les Jeux Olympiques à Paris, hein, où les QR codes, les QR codes ici pour aller dans les calanques, c'est l'autre aspect de l'utilisation de la surveillance. On veut protéger, on ne protège pas la nature. La nature n'a pas besoin de nous, elle s'en fout complètement, la nature. On veut la protéger. Comment on la protégera, la nature? Si on veut la protéger, moi je pense que ce n'est pas du tout ça le problème. Si on veut protéger la nature, il n'y aura qu'une solution, c'est celle qui est mise en place, c'est-à-dire qu'on va interdire des zones et on fera une smart nature. Pour ceux qui auront visité, font du tourisme pour aller voir ci, pour aller voir ça, pour aller voir les ours, pour aller voir les loups, à l'intérieur de codes et de choses comme ça, où on pourra aller. Et pendant comme ça, les gens qui auront bien travaillé dans leur smart city auront droit de passer une semaine pour aller voir des ours, pêcher des saumons qu'on aura remis dans les rivières. Et ça, je ne l'invente pas, c'est dans Rendre la France, Ensauvager la France. Le livre qui a été publié, Ensauvager la France, c'est exactement ça. Smart City, c'est quoi comme concept? C'est la ville totalement, numérisée. Numérisée? Totalement. Totalement connectée. Ouais. Voilà, c'était ça que je cherche. Totalement connectée. C'est un. L'une des premières fois où on apparaît ça, c'est IBM vers 2005-2010. IBM dit je vais pouvoir connecter tout, même la nature. Et bien, ils connectent tout. C'est la rationalisation de leur système. Ben oui. Ils ont plus que ça pour. Ben, et c'est parce que c'est ce que je vais vous montrer, c'est cette machine qui progressivement nous enferme du point de vue du temps, du point de vue de l'espace, du point de vue. Et la surveillance se met en place progressivement, progressivement. Nous, d'un certain point de vue, nous entrons librement et dans 1984. Nous avons déjà le temps, qui n'est pas un temps naturel, nous avons déjà des surveillances, nous avons les machines, nous avons tout, tout est là. Et notre subjectivité est elle-même attaquée, puisque la construction initiale élimine la subjectivité, c'est-à-dire les couleurs, les goûts, les odeurs sont extraites. Elles doivent être expliquées mécaniquement. Elles ne sont plus notre vie profonde. C'est fini. Hein, quand vous voyez une couleur rouge, eh bien, la couleur rouge, moi, je l'explique de façon newtonienne par des mouvements, des choses comme ça. Mais elle n'existe pas là-bas. Or, moi, j'ai l'impression qu'elle existe là. Voilà. Bon. Donc, Alors, du point de vue, moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution que rêvasser, parce que c'est ça ce qu'on peut toujours faire, c'est déjà pas mal. Le jour où on ne pourra même plus rêver, parce qu'il y a des travaux, on ne pourra plus. On fait des travaux actuellement sur l'étude des rêves, du point de vue cognitif. Donc là, on peut déjà diriger quelques rêves. C'est intéressant, ça. On peut faire ça. Alors, il y a des choses aussi, si vous voulez, faut en répondre aux questions sur les Baby Labs, les matières, tout ce qu'on fait sur les gamins, tout ce qu'on leur fait subir, etc., etc. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est très, très avancé dans la transformation. Alors, il n'y a qu'une solution. Soit on sort de la société, parce que casser la machine, ça n'existe pas. Ça. Casser la machine, on ne cassera pas la machine. Même si on défile dans les rues, on ne casse pas la machine, puisque la plupart d'ailleurs de ceux qui défilent dans la rue soutiennent la machine. Donc, parce qu'ils sont tous industriels ici. Et l'industrialisme, pour la croissance, c'est la machine. Il n'y a pas d'autre. Donc il faut être à la fois sortir, être du côté du décroissant, et rendre à la population, à celle qu'il souhaite, la possibilité de retourner à la Terre. Et éviter de supprimer progressivement les terres agricoles. Parce que sans terre agricole, c'est la chimie qui vous nourrira. Donc, et redistribuer. Autrefois, avec 4-5 hectares, on vivait avec une famille. Maintenant, c'est impossible. On peut s'interroger pourquoi. Donc, il faut revivre autrement, c'est tout. Sinon, c'est 1984 à coup sûr. Il n'y a pas d'échappatoire. C'est cool. Ça, je ne te le peux pas dire. Ou si tu préfères plus russe, Zamiatine. Voilà, c'est l'un ou l'autre, mais... Le meilleur des mondes aussi. Alors, le meilleur des mondes, c'est un peu différent, parce que ça, c'est contre la chimie. C'est ce que j'ai lu de Helmholtz. C'est-à-dire plus, un peu plus profond, au lieu de simplement manipuler de la chimie, on manipule des ADN. Mmh. On bricole l'ADN, et puis on te fabrique un bonhomme adéquat. On sait déjà à peu près faire, mais on ne le dit pas. Mais donc, voilà. Mais c'est ça. Et moi, je pense qu'il n'y a qu'une solution, c'est sortir de la machine. La machine, où on sort. D'ailleurs, si on lit ou Zamiatine ou 1984, c'est intéressant de voir que dans le roman, je pense que vous connaissez peut-être quand même, vous avez peut-être lu ces romans, Zamiatine, c'est nous. Et ça date de 29. Nous, en français. Si dans les deux, il s'agit d'un personnage qui progressivement essaye de récupérer sa subjectivité. C'est-à-dire qu'il essaye de... intellectuellement, il se dit, mais je vis dans un... Alors, il vit dans un temps abstrait. Comme je viens d'en parler il y a 2 minutes. Le temps abstrait. Il vit dans un monde où il n'y a plus d'imaginaire. Il dit, mais c'est pas possible. Où il n'y a plus de sensibilité. Il essaye de récupérer tout ça. Et puis c'est foutu. De toute façon, on tue à la fin, grosso modo. Voilà. Mais il essaye de récupérer des éléments dont j'ai déjà parlé le temps. Par exemple, la question de l'infini, c'est une question très intéressante, parce que Zamiatine en parle aussi. La question de l'infini. Il y avait un infini chez les anciens, à l'époque médiévale, un infini qui était un infini, c'est-à-dire c'était une ouverture, une possible, même chez Descartes, c'est Dieu, donc c'est quand même assez ouvert, si je puis dire, c'est ça. Pour nous, il n'y a d'infini que mathématique. Mais l'infini mathématique, c'est un infini, comme je dis, c'est domestiqué. C'est plus un infini qui est l'ouverture des possibles, c'est un infini fini. Et d'ailleurs, il y a au début du 18e, il y a un auteur du 18e que j'aime bien, qui est Fontenelle. On connaît un peu Fontenelle. Fontenelle dit, eh bien, il y a deux infinis, parce que lui, il est juste à la charnière. Il dit, il y a deux infinis. Il y a l'infini des mathématiques qui rencontre que de lui-même, qui est bien, parfait, on va travailler avec. Et puis il y a l'autre, l'infini, le tout, l'infini, tout ça. Ça, on n'en a pas besoin, on dégage. À partir du moment où ça on dégage, eh bien on est dans le monde mathématique fini, clos sur soi-même. Mais lui pensait que ça permettait de faire de la physique. Mais il n'avait pas pensé que ça tuait tout. Malgré tout, l'infini mathématique, il a concurrencé Dieu. La preuve, c'est que c'était interdit. Oui, c'est-à-dire que Dieu, c'est l'infini. C'est déjà un infini. C'est une concurrence, en fait. Oui, mais il peut y avoir un infini qui n'est ni Dieu, ni le mathématique. Parce que l'infini Dieu, c'est déjà une réduction. Il est réduit à Dieu. Descartes le réduit à Dieu. Et si on n'est pas croyant, qu'est-ce que c'est l'infini ? Quand on a l'infini mathématique, on le manipule allègrement. On le manipule allègrement. Alors c'est intéressant parce qu'au XVIIe siècle, Descartes en particulier, comme l'infini c'est Dieu, Descartes refuse d'utiliser l'infini en mathématiques. On n'utilisera l'infini que du jour où on aura transformé l'infini en méthode de calcul. Donc il est domestiqué. L'infini devient calculatoire, le monde devient infini, mais il devient infini mathématiquement. Il ne devient pas infini, infini. Je ne sais pas ce que c'est. Ou infinitésimal. Ou infinitésimal, absolument. Deux. Mais il est devenu calculatoire. Il n'est plus celui qui était comme chez les premiers Grecs, chez Anaximandre, la gestion du monde, l'organisation de tout, le tout. Voilà, ça c'est fini. Or, moi je pense que c'est pas fini. Ça ne veut pas dire que ça reste en suspens. De cela, on ne peut rien dire, et quand on ne peut pas dire, on se tait. Et je m'arrête là. Bon, donc on peut poursuivre les questions puisque ça avait commencé. Moi, je me demande, enfin, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé du romantisme. Oui. Et qu'est-ce que, donc, du coup, d'une certaine manière, je suppose que vous, c'est quelque chose, enfin, une conception du monde, de la nature, qui envers laquelle vous serez probablement plutôt élogieux, non ? Et je sais qu'il y a certains penseurs qui mettraient les origines du nazisme chez les romantiques allemands. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui est une proposition qui serait caduque ? Est-ce qu'au contraire, c'est la surrationalisation de tout comment ils expliquent eux et vous, qu'est-ce que vous en faites ? Je n'ai jamais pensé que Goethe pouvait être au début du nazisme. Ok. Ça n'a à peu près aucun sens. Le nazisme se construit plutôt autour de la technique. Le travail rend libre sur le cadre de consommation. Eh oui, c'est plutôt. C'est pas du romantisme. Ça. Voilà. Oui, non, bien sûr. Mais non, c'est parce que. Bon, c'est la même chose qu'avec Wagner et tout ça. C'est-à-dire que c'est l'idée d'un romantisme. Disons, on sort des forêts, comme dit Junger, on sort des forêts, on est là, comme ça, mais c'est pas le romantisme de la nature philosophique qui est une construction intellectuelle qui essaye de penser, après Kant, de penser quelque chose d'autre que la fermeture du monde. Kant, c'est la fermeture du monde, hein, l'esthétique transcendantale, c'est. Le temps de Newton, d'ailleurs tout à l'heure quand j'ai parlé du temps absent de Newton, l'esthétique transcendantale de Kant, c'est effectivement le temps de Newton, ça il le dit, c'est le temps de Newton, c'est-à-dire on ne peut penser les choses qu'à travers le temps de Newton. Bon, ça c'est. Bah, moi c'est pas vrai. Bon, pas vrai. Oui. Par rapport au nazisme, oui. je pensais à un ouvrage qui a été un peu discuté de Chapoutot qui est sorti je crois en 2020 ou, ah oui, sur le nazisme qui est libre d'obéir. Oui, il monte le son du manager. Oui, disait que ça compte. Oui, bien sûr. Ouais, non, moi, je sais que c'est Butler a dit ça, par exemple. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens. Madame Butler. Ouais. Oui, mais Madame Butler, c'est une référence, disons, incertaine. Parce que je suis même galant. C'est Butler, c'est ça ? Oui, c'est Butler qui a dit qu'elle s'était intéressée à la philosophie d'abord par ce problème-là, quoi. Mais après, non, moi je suis absolument pas convaincu par ça par ailleurs. Hein. Non, mais mais c'était bien de poser la question. Voilà, poser la question, c'est bien. Non, mais je sais que monsieur n'est pas convaincu par ça. Ne vous inquiétez pas. C'est pas la peine d'ouvrir la prison tout de suite. Hein. On va arranger les choses. Mais c'est vrai que dans le romantisme, je dirais que on le retrouve plus avec par exemple, le surréalisme. C'est plutôt là que la voix. C'est une voie qui questionne la science, voilà, ou la technique, qui la questionne, qui sait pas là, qui la questionne de façon, d'ailleurs, oui, qui la questionne en s'interrogeant sur comment elle s'est fabriquée et pourquoi elle réduit le monde à ce point-là, parce qu'il y a quelque chose d'autre dans le monde à penser que la manière technique de le penser. Qui est une manière heuristique, féconde, qui fait ci, qui fait ça, mais c'est une manière de le penser. Ce n'est pas. Et le drame, c'est que cette manière de penser a convergé avec le développement de l'économie qui s'est constituée à la fin du XVIIIe. Et Franklin et Thaïs Monet, c'est là que tout se joue. Parce que c'est le temps, l'argent, les machines, et crac, le monde est bouclé. Oui. Oui, je voulais juste demander, quand les gens utilisent des concepts, c'est cool de rappeler un peu c'est quoi les bases, parce que ça a été évoqué, positivisme, romantisme. Moi, ça fait un bail que je ne suis plus dans les études, du coup, oui. Il me manque des clés en fait, pour comprendre ce dont vous parlez. C'est pas évident, c'est dommage. Alors, mais je suis bien d'accord, mais alors, c'est madame va donner les réponses. Oui, monsieur Devant aussi. Monsieur Devant, oui, moi, je veux des fausses, maintenant, j'ai beaucoup parlé, cher ami. Moi, j'ai les deux types de romantisme, du coup, à travers la philosophie de la nature, une autre forme de romantisme qu'on reconnaît par les arts. Enfin, voilà, si vous pouvez un peu donner quelques pistes, histoire qu'on comprenne mieux de quoi on parle. Alors moi, ça, c'est vrai, il faut de temps en temps revenir à la définition des choses. Sinon, on ne peut pas parler. Non, mais vous avez raison. Je vais essayer de vous répondre, mais j'aurais aussi peur de dire des conneries, hein, en toute honnêteté, parce que c'est des choses. Non, mais ne vous inquiétez pas, je vous surveille. Merci. Non, pour moi, le romantisme allemand, moi, comme je l'entends, c'est un mouvement philosophique et artistique qui va aller effectivement dans une certaine forme d'éloge de la nature et de l'irrationnel et contre cette compulsion de l'homme à tout comprendre et contre le savoir instrumental, contre. Voilà. Est-ce que c'est une vision du romantisme. Ouais. Il y a aussi, on peut le faire passer au départ avec Rousseau, par exemple. C'est un rapport à une nature qui s'institue différemment de ce qui était. C'est, à mon avis, derrière ça, il y a le. D'ailleurs, il retourne un peu souvent à l'époque médiévale. Il y a le souci de l'idée que l'on a quand même perdu quelque chose. Mm-hmm. On a perdu quelque chose. Ça insiste sur le ressenti par rapport à. Voilà. C'est ça, une façon de. On est là dans le monde. On est là dans le monde et. C'est ressenti, et c'est ça qu'on a complètement. C'est ça qui. Voilà, effectivement, et c'est bien, c'est ça autour de ça que je voulais un peu insister, parce que c'est l'un des points, à mon avis, qui est. On vit trop dans la machine, on ne sait plus qu'on y est. Et c'est ça que je trouve le plus inquiétant dans cette affaire. Et c'est, pour revenir à 1984, au départ, le type ne sait pas qu'il est dans. Le monde est normal. Et là, nous vivons dans un monde normal qui n'est pas normal du tout. Il n'y a rien de normal, le monde dans lequel nous vivons. Rien. Il mérite d'être absolument interrogé dans toutes ses formes. Qu'est-ce que le temps, qu'est-ce que le travail? Alors, le travail que je fournis n'a aucun rapport avec le travail que fournissait un paysan il y a deux siècles. C'est pas du tout la même chose. Alors, on appelle tout ça travail. La science, c'est pas la même chose. La technique, c'est pas la même. Rien. Un monde a changé à partir du XVIIe siècle. Et son organisation, nous sommes nés, nous, là, deuxième partie du XXe siècle, nous sommes nés dedans. Et nous ne savons. Et la question est de savoir comment le repenser. Parce que si on ne le repense pas, on finira dans la machine. Sauf quelques-uns qui, évidemment, diront : je ne suis pas d'accord. Mais la plupart sont d'accord. Je tiens à le souligner, même les anarcho-technophiles. Je ne parle même pas des marxistes, ça fait longtemps que c'est éliminé. Bon, je trouve que ça se voit bien dans la médecine, parce que la médecine maintenant elle repose que sur des chiffres, des statistiques. On fait des protocoles à partir de statistiques, mais l'être humain qui est différent, un peu qui ne réagit pas comme les autres, on met de côté. Il n'a plus le droit à rien dire et il subit. C'est que les chiffres. Et c'est normal puisqu'il est considéré comme une machine. Mais oui, c'est ça. À partir du moment où il est réduit à une machine, on va soigner ci, on va soigner ça, c'est les engrenages, c'est tout. D'ailleurs, c'est l'idée de départ. Il y a deux textes, un texte de Galilée et un texte de Descartes, parce qu'il faut revenir toujours aux sources, qui sont formidables. Ils disent qu'il n'y a pas de différence, si ce n'est de taille, entre les engrenages de la nature et les engrenages des machines. Les engrenages des machines, c'est gros. Les engrenages de la nature, c'est tout petit. Mais c'est la même chose. C'est quand même une. C'est terrible. Hein. Alors évidemment, c'est une manière heuristique pour eux. Heuristique, ça veut dire quoi? Heuristique, ça veut dire que c'est une manière de, disons, de faire une hypothèse. Voilà. C'est d'avancer quelque chose, on fait une hypothèse. Voilà. On pense que c'est comme ça. Mais Dieu est là, de toute façon. Comme, par exemple, on dit toujours. La phrase de Descartes, comme maître et possesseur de la nature. Alors en général, c'est devenu maître et possesseur de la nature. L'essentiel est dans le comme. L'homme est comme maître possesseur de la nature. Il n'est pas possesseur de la nature. La nature appartient à Dieu. Il est comme. Donc, étant comme, bah, il fait des trucs, mais ça ne lui appartient pas. Si un jour Dieu arrête, il arrête. Donc, nous, on n'a plus Dieu. C'est embêtant. On s'en passe. Hein? On s'en passe. On s'en passe, mais ça devient, c'est difficile. Oui. Mais après, je me demandais, quand tu as dit on ne vit pas dans un monde normal. Attends, voilà, un peu la tête là pour que. Bon. Après, vous pouvez remettre votre tête là. Hein. Dans le monde normal, mais après, je me demandais, mais c'est quoi le monde normal? Est-ce que ça existe? Et aussi, je suis bien d'accord qu'il faut sortir du système de la machine, mais on va vers où en fait? C'est ça un peu la question que je me demande, parce que surtout le romantique allemand, là. Non. Bah, c'est pas le monde où on veut. Non, mais personne n'a dit qu'on allait vers le monde normal. Non, c'est pour ça que je. Alors, la question est qu'est-ce qu'un monde normal? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que celui dans lequel on vit me semble extrêmement bizarre par rapport à l'ensemble des civilisations et des communautés humaines. Il a quand même une spécificité. D'abord, il est détruit tout. Donc c'est quand même un peu une spécificité. Donc c'est pour ça qu'il faut s'interroger. Et ce que je pense, c'est que on peut s'interroger dessus, ça c'est la première chose, mais après il faut le construire, un autre monde. Il n'est pas donné. Il nous appartient de le construire. Le monde, la machine a été construite par nous, la machine peut être démolie par nous, pour vivre autrement. Je n'ai pas dit ni dans le romantisme, je ne sais pas dans quoi. Je pense qu'il peut y avoir des communautés, des organisations. Il y a, de ce point de vue-là, il y a un auteur intéressant, c'est David Graeber, l'anthropologue, qui montre, en utilisant l'anthropologie, les possibilités d'organisation sociale extrêmement différentes. Et donc ça, mais ça, c'est ouvert. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir ce qui s'est passé dans le monde occidental, puis qui a essaimé partout. C'est ce qui s'est passé par la violence, hein, la force, la réussite technique. C'est la réussite technique égale la construction des armes. C'est quand même ça qu'il faut bien. Bon, et ben oui, mais est-ce qu'on continuera longtemps comme ça? Je ne le pense pas. Cet été, au rencontre du Maquis, il y avait McDonald qui nous a fait une conférence, Charles McDonald. Oui, c'est un anthropologue. Oui, ça me dit quelque chose. Il a beaucoup travaillé sur les sociétés indonésiennes, oui. Les Philippines, tout ça et tout. Il a fait une conférence justement sur les autres mondes qui existent. C'était vraiment. Il faut l'écouter parce que vraiment notre société, notre monde peut faire croire qu'il est unique, mais il y a des tas d'organisations qui sont possibles. Il y a des tas d'organisations possibles, des tas d'organisations autres. Par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé du temps. Il y a des communautés africaines où le mot « temps » n'existe pas. Alors, nous vivons où, nous, là? Eux, ils n'ont pas besoin du temps, ils vivent, ils travaillent la terre, toutes leurs affaires, et ils n'ont pas de temps. Ils n'ont pas de montre, ils n'ont rien de tout ça. Ils n'ont pas de temps. Le concept de temps n'est pas présent, n'existe pas. Et nous, il est obsédant et il conditionne notre vie. Donc on peut quand même être en droit de s'interroger sur effectivement l'importance ou pas qu'on doit donner à ce temps qui est l'invention de M. Newton, quand même, il faut bien le dire. Il y a des physiciens qui remettent ça en question quand même. Ils ne remettent pas en question le temps newtonien. Ce qu'ils remettent en question, c'est qu'ils s'interrogent sur la constitution de l'origine du temps. Les théories des cordes et tout ça, c'est l'origine du temps. C'est donc petit t, c'est le même. Il travaille sur le temps abstrait. Mais c'est déjà différent. Ça ouvre déjà des possibilités qu'il n'y a pas dans notre temps linéaire unique. Il est toujours. Oui, alors évidemment, il peut être multiple, mais personnellement, c'est. Ça ne suffit pas. Non, c'est de la mathématique. Si on commence à mettre le temps en mécanique quantique, évidemment, on va avoir droit à des temps, des univers parallèles, des temps qui font ci, des temps qui font ça. Mais ça m'amuse beaucoup. Mais moi, personnellement, je vis et je meurs. Je pense que ça peut être un moyen de changer ce. Je ne crois pas parce que ce sont des constructions mathématiques. Et les constructions mathématiques sont à l'infini. C'est ça. Et on reste à l'intérieur de ça. J'ai toujours. En plus, il y a comme un blocage au niveau de la physique aujourd'hui. Il y a comme un blocage parce que je pense que je ne suis pas certain que les mathématiques que l'on a aujourd'hui soit adéquate pour vraiment ouvrir le monde de la science à autre chose. Ça, je ne crois pas. Donc, on est de même qu'au XVIIe siècle, tout le monde était c'était de la géométrie. Tout ça marchait très bien. Et puis, Leibniz invente le calcul différentiel. Et les problèmes qu'on ne pouvait pas résoudre quelques années plus tôt avec la géométrie se résolvaient d'un coup de plume, comme disaient certains, avec le calcul différentiel. Donc, il y a un problème aussi de quelles mathématiques on utilise pour faire quoi. La mathématique, elle évolue. Elle évolue. Un domaine comme la logique, par exemple, oui. Elle a beaucoup évolué. Moi, quand j'ai fait de la logique au lycée, comme les gens m'ont l'air, un événement était ou vrai ou faux. Oui. Et à l'heure actuelle, en logique, je ne sais plus leur vocabulaire d'ailleurs, en passage, mais il y a 4 possibilités. Mmh. Donc on faisait du vrai faux, et après on faisait ce qu'on appelait des tables de vérité, vrai, ça veut quoi, tout ça. Donc on pouvait, le monde était manichéen. Une chose est vraie ou elle est fausse. Oui. Et alors à l'heure actuelle, c'est il y a du vrai, il y a du faux, il y a de l'indécidable, je pense. Mmh. Forcément, enfin, je ne sais pas si le disent indécidable, mais ça revient en théorie de l'indécidabilité. Et quelque chose que je ne sais plus comment ils disent, mais c'est en vue d'être. Oui, ben c'est oui, on revient. Oui, mais et ça c'est. Je trouve ça vachement intéressant. Ah oui, c'est ça, ça ouvre, ça ouvre. La recherche à l'heure actuelle, elle est là, quoi. Donc, oui, non, on ouvre, ça ouvre, mais on. Ça prouve que. Oui, mais est-ce qu'on revient sur la question du tiers exclu, par exemple ? Non. Après. Donc. Moi, je disais juste pour l'instant. Non, non, mais c'est vrai que c'est vrai que la logique est devenue quelque chose. C'est quoi, Kesako, le tiers exclu ? Eh bien, le tiers exclu, c'est. C'est oui ou non. Et tu élimines la troisième possibilité. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Et tu ça, c'est ça aussi, c'est tiers exclu apparaît chez Aristote, en logique aristotélicienne. Deux objets peuvent ça et ça peuvent être au même endroit. Nicolas de Cus pensait que c'était vrai au niveau de la raison et pas de l'intelligible. Parce que, et là, une seconde de théologie, les Grecs sont dans la logique du tiers exclu, le Christ est à la fois intelligible et sensible. Il rompt avec le tiers exclu. Après, c'était le moment théologique. Peut-être pour en venir à un petit peu le soulever. La construction de quel monde, enfin voilà, ah, sortir de la machine et la fin du monde. Je sais pas si tu connais Alexandre Monin et ses travaux. Non, ça me dit rien. C'est quelqu'un qui est philo au départ, qui a beaucoup travaillé dans les labos de maths. Mm-hmm. Il vient de sortir un bouquin chez Divergence qui s'appelle Politiser le renoncement. Et en fait, du coup, il est dans la décroissance, visiblement. C'est pas quelqu'un que je connais beaucoup, c'est juste quelqu'un que j'ai rencontré et qui est venu faire une conférence devant nos élèves. Et donc, c'était peut-être il y a déjà une dizaine d'années. Et là, il était à fond, les élèves, ils faisaient. Donc, il était complètement déprimé, sachant plus que faire, mais parce qu'il est parti des ludites, il est arrivé à votre smartphone, et bref, et déjà, il y a 10 ans, il prenait, en fait, en expliquant que c'était plus que faisable, etc., une décroissance numérique. Ah oui, mais ça... Il parlait, à cette époque-là, de... vu qu'on parle tout le temps de high-tech, dès qu'on a acheté quelque chose, c'est du high-tech, lui, il parlait et essayait de développer la low-tech. Oui, ah oui, Ce qui déjà faisait des choses bien, parce que c'était déjà moins consommateur de métaux merdiques, moins confirmant. Bref, c'était raisonnable. Et visiblement, après, je n'ai pas trop suivi ce qu'il a fait derrière, mais visiblement, il est beaucoup sur ce champ-là. Il y a un livre aussi qui avait fait un livre sur la low-tech, et effectivement, c'est des points de vue, mais... Alors, c'est pas sortir, mais c'est freiner la machine. Mais on la freinera pas. C'est ce que je pense. C'est une de freinage. Non, ce que pour freiner la machine, il faut qu'il y ait beaucoup de gens. Et ça, il n'y a pas. Oui, non, après, je pense que par exemple, il y a même une association... Marseille qui s'appelle de fermer les écrans. Fermer les écrans. Puis il y a une autre qui s'appelle, qui est ailleurs, qui s'appelle écran total, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus rien. Mais c'est des groupes microscopiques. Des groupes microscopiques. Et effectivement, mais ce que je pense, c'est qu'elle n'est pas, on ne peut pas la ralentir. On ne peut pas. J'aimerais bien, franchement, j'aimerais bien. Mais je ne vois pas. C'est un peu comme la transition du truc supportable, enfin, comment on dit déjà, soutenable. Mais ça n'existe pas, ça. Après, il y avait un. On a l'impression que ça sera moins dramatique, mais ça ne marche pas. Il y a un pédopsychiatre, là, comment il s'appelle, Tisseron, là, qui a fait un truc, c'est théorie, c'est 3, 6, 9, 12. Donc, c'est surtout pour les enfants le problème. C'est aucun écran jusqu'à 3 ans, ils préconisent. Hein. Internet, ça arrive à 9 ans sous surveillance, etc. Enfin, à chaque fois, il y a quelque chose. Et le problème, c'est, moi, où je travaillais, on l'invite dans une bibliothèque, dans une médiathèque. Et puis, bon, ceux qui l'ont invité, il est formidable, ce mec-là. Et après, dans section jeunesse, on fout des écrans aux gosses. C'est génial. Voilà, ça, c'est l'exemple concret. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que. Mais parce que quand on a bien en tête l'idée que c'est une machine et qu'on est à l'intérieur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de solution. Il y a quelque chose dans les années 30 quand même qui apparaît, même peut-être avant, cette histoire de malaise dans la société, et aussi l'approche de la question de la folie, qui me semble aussi important, et la question de la libido, parce que quand vous dites on n'y arrivera pas, parce que en fait le système économique, il est aussi, enfin ça fonctionne aussi avec quelque chose de libidinal, hein, et qui est très difficile à réguler en fait chez l'homme. Enfin, oui, enfin, il fonctionne aussi avec des comptes en banque. Hein. Parce qu'il fonctionne sans doute. Mais il fonctionne aussi pour des intérêts financiers considérables. Et l'impact, disons, idéologique pour vous faire croire aux choses, est absolument, n'a jamais été aussi puissant que maintenant. Dans quel monde vivons-nous exactement? On n'en sait rien. On vit dans le monde dont on est informé. En même temps, on est quand même de plus en plus, ce qu'on pointe de plus en plus, c'est quand même qu'il y a un malaise de plus en plus grand, sans compter les problèmes de pauvreté, de déshérence, tout ça, il y a quand même de plus en plus de signaux de malaise, et c'est ça qui devrait être des indices et des guides de se dire, bah voilà, on n'est pas bien à tout point de vue, enfin, sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan économique. Et c'est peut-être quelque chose que, je sais pas, on peut pas abandonner. Mais enfin, grâce à des gens qui travaillent comme vous aussi, enfin, après c'est peut-être du soir. Non, mais ce que vous dites est juste, mais ceux qui le pensent comme ça sont pas très nombreux. Parce que est-ce que beaucoup ont envie de changer la machine? Ils sont toujours des petites minorités. Oui. Oui, mais ça, je suis bien d'accord. Mais on a la chance d'être une petite minorité. Je préférerais qu'on soit plus nombreux. Finalement, quelle que soit la façon dont on voit les choses, entre cet humain qui a créé cette machine, etc. Finalement, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire, c'est depuis le début des temps. Les humains, ils n'ont pas pigé pourquoi la vie existe, ils n'ont pas pigé ce que c'était la vie, ils n'ont jamais accepté ce machin. Alors, je ne sais pas, toi, à l'instant, tu me disais, bah oui, peut-être que finalement, Dieu, on pourrait peut-être le réinventer, parce que. Mais du coup, je ne sais pas, c'est peut-être aux philosophes d'aller nous inventer un truc. Enfin, j'ai l'impression qu'il faudrait qu'ils soient moralisés. Ce n'est pas des solutions technologiques, ou des croissants, etc. C'est plutôt un truc à se mettre en place pour l'acceptation, pour le refus de vouloir repousser la vie toujours plus loin. Peut-être ceux qui étaient les plus près, peut-être c'est certains qui sont revenus des camps, parce qu'ils ont commencé à parler de ça, moi je trouve, quelque part. Parce que, avec ce qu'ils ont vécu, qui est finalement qui est indépassable et qui est innommable, qui est l'ultime terreur, en fait, aussi, ce qu'on a fait, ce que l'homme est lui-même, le monstre, etc., qui comporte en lui, c'est peut-être ces témoignages-là qu'il faudrait peut-être réactiver, parce que justement, ils ont dit, là, ils ont été touchés quelque chose qui nous terrorise aussi, mais donc justement, on n'accepte pas. Moi, je, enfin, il me semble qu'il y a quelque chose qui peut être par là, parce que c'est des hommes, enfin, c'est incarné en plus, voilà, ils ont témoigné, ils sont revenus, il y a quelque chose qu'on a fait nous-mêmes à nous-mêmes. Enfin, je sais pas. Jusqu'à quel point l'homme peut-il mépriser l'autre ? Ça, c'est infini, ça. Mais pour répondre à ça, on en avait parlé un peu, puis on en a reparlé un peu dans le prochain livre, mais il n'y a qu'une chose avec on ne va pas revenir à Dieu, ça c'est quand même être un peu sérieux quand même. Mais on ne peut pas revenir non plus à des formes de paganisme, de choses comme ça, on ne va pas revenir à Gaïa, on ne va pas revenir à tout ça, tous ces trucs, toute cette. Cette mélasse. Mais peut-être pas obligé de chercher dans le côté mystique. Non, vois, non, mais ailleurs. Il reste. Soit la vie, on dit, elle est limitée au physico-chimique. Voilà. Soit la vie, c'est une énigme. Point. Il faut accepter l'énigme. Si on accepte. Je n'ai pas entendu le mot la vie, c'est l'énigme. Soit on accepte l'énigme, c'est-à-dire qu'il y a. C'est pas l'absurde, hein. C'est pas l'absurde, c'est on ne sait pas et on vit dans la joie sans savoir. Mais bon, tout le monde n'a pas envie de vivre de cette manière-là, hein, c'est tout. C'est pas une vie nécessairement facile, mais on est, on meurt, c'est une donnée, c'est un fait. Pourquoi on n'en sait rien, c'est une énigme. Alors évidemment, cette énigme, on peut la mettre. Ça peut être tel lieu, tel machin, tel truc, tel croyant, soit. Mais si on veut échapper à ça, bah, on garde l'idée qu'il y ait une énigme. Je pense que c'est, du point de vue de la liberté, c'est pas mal. Mais il faut l'accepter. Dans sa totalité. On a envie de vivre comme ça, mais en fait, on ne sait rien non plus. Parce que de toute façon, tout à l'heure, tu as parlé de la perte d'objectivité, de subjectivité. De subjectivité. Ben voilà, donc, bon, oui, c'était belle lure qu'après on a pu revenir mort, mais certainement parce qu'on nous a insufflé la peur de la mort, je sais pas partir de quand. Non, parce que bon, c'est pas très, très, très marrant. C'est pas. La fin. Mais ça existe, c'est un fait, et contre les faits, on n'a rien à dire. Fait. On peut pas l'accepter. Bon, bah d'accord, on peut pas l'accepter. Alors on va vers le transhumanisme. On devient une machine. On devient une machine. C'est-à-dire qu'on fait comme d'autres Zig, on décharge son cerveau sur un disque dur et puis on attend que ça se passe. Ou alors on devient un vrai cyborg, c'est-à-dire progressivement le corps devient une machine. Bon, ça, on voit, il y a Haraway et tout ça, bon, ben, tout ça, c'est de. Et tous ces discours-là, d'ailleurs, d'aujourd'hui, nous conduisent vers le transhumanisme. C'est ça le problème. Derrière ça, il y a le mouvement vers le transhumanisme. Tout ce qui veut des transformations physico-chimiques de l'être humain aujourd'hui conduit au transhumanisme. Voilà. Bon, alors, du coup, l'autre côté de la lorgnette, c'est-à-dire l'avenir, si on met bout à bout le transhumanisme et l'IA, puisque ça marche, oui. Ça va avec, du coup, ça serait quoi ce futur? Ben, ce futur, ben, c'est pas jouissif. Hein. Non, mais peut-être que l'IA va remplacer intégralement les hommes. Va remplacer. Peut-être que l'IA va remplacer littéralement en plein. Non, ça c'est absolument impossible parce que d'abord il y a plusieurs problèmes, c'est qu'il faut charger l'IA. Il faut charger l'IA et il faut en plus. Et d'un point de vue électrique, ça consomme énormément. Donc à moins que l'IA ait même pédale pour ça. Si il y a pédale pour avoir de l'électricité, sinon elle aura du mal. Puis elle ira chercher le coltrane et les métaux rares pour se nourrir elle-même sur Mars ou n'importe où. Non, mais bon. Et d'autant que l'IA, il faut quand même. L'IA, c'est quoi? C'est simplement une série d'algorithmes dans lesquels on a mis des données. Ces données, ce sont les nôtres. C'est pillage de droit d'auteur. C'est pillage de droit d'auteur. Mais l'IA ne peut rien créer. Elle ne crée rien. Elle ne reprend, elle ajoute de façon. Et puis c'est un phénomène de probabilité. Elle ajoute les mots de façon probable, mais elle calcule la vitesse, c'est ça. Mais elle ne crée rien. Elle ne crée rien. Vous croyez qu'elle crée quelque chose parce qu'on vous dit, oh, regardez la belle image qu'elle a fait. Mais voilà, c'est pas créer ça. C'est reprendre des trucs à droite et à gauche pour faire quelque chose. Mais créer, c'est quand même tout autre chose. Avoir une idée, c'est quand même autre chose. Hein. Einstein, j'en ai eu une ou deux dans ma vie. Donc c'est... L'IA, on a tous les jours et des milliers. Non, c'est rien. Mais effectivement, ça va permettre un peu plus de surveillance, un peu plus d'encadrement des populations, un peu plus de tout ça. C'est-à-dire, c'est le développement. C'est l'IA, c'est naturel. Hein, maintenant, on a l'impression. Ben non, c'est pas du tout naturel. C'est naturel dans le monde de la machine. Celui que j'ai montré, comment il s'est constitué. Et dont les intérêts, la machine, les intérêts économiques sont liés automatiquement, presque à l'origine, avec la machine. Le time is money, c'est la clé. Et la question du travail, comment on mesure le travail, c'est lié. Et le développement, si on regarde un peu le développement, une partie du développement de la physique, ce sont des questions énergétiques qui sont posées. Et l'énergie, c'est quoi? C'est pas de la connaissance, c'est de faire marcher une machine. Et Bachelard, dans les années 50, disait « l'ontologie du monde, c'est l'énergie ». C'était du Bachelard. Ben, d'un certain point de vue, il avait raison, mais c'était idiot. Parce que l'ontologie du monde, c'est l'énergie, oui, pour le capital. Mais, enfin, si on regarde comme ça les choses rapidement, on va de toute façon vers un effondrement. Est-ce qu'un monde est encore humain quand il est transhumain, enfin, et puis il y a l'énergie qui va bien manquer. Oui, ça, il ne sera pas. Et c'est pour ça qu'il faut. Il vaut mieux arrêter avant, mais si on n'arrête pas, vous savez, si on n'arrête pas, ben on disparaîtra, puis il y aura autre chose. Qu'est-ce que le monde est encore humain après Auschwitz et après Hiroshima? Oui. Et on a continué les camps de concentration, oui. On continue la bombe atomique, on a du nucléaire partout, oui. Justement pour l'énergie. Ouais, mais pour autant, la question du transhumanisme, quand même, l'homme augmenté, moi je trouve que c'est quand même là, on arrive à quand même à quelque chose où il y a une bascule. On arrive au bout de leur logique. Oui. Ils veulent organiser les Jeux Olympiques où tout sera permis. C'est-à-dire que l'homme pourra prendre les substances qu'il veut et il pourra être augmenté technologiquement comme il veut. Ça, c'est bien. Ça, c'est voilà un avenir radieux. Voilà. Ça c'est leur avenir. C'est-à-dire que l'homme, tel que les Jeux Olympiques qu'on a vu cet été, c'est fini, c'est de la merde. Ils vont battre des records parce qu'ils veulent justement, ils sont dans le nouveau monde. C'est ça. Et l'homme, moi, je pense que l'homme augmenté, c'est un homme diminué. Parce que c'est un homme qui ne sait plus se diriger dans le monde sans son GPS, c'est un homme qui ne ressent plus rien sans son appareil photo, qui fait plus siffle. C'est un homme totalement diminué. C'est-à-dire, c'est un homme humain. Ce que j'allais dire tout à l'heure, parce que avec l'IA, le flicage, quoi. Mais encore une fois, pas seulement, parce que on t'enlève ton. Enfin, ça t'enlève, ça finit par t'enlever ton imaginaire, ta créativité. Bon, par exemple, entendu de mes oreilles, entendu, début juillet, je vais dans mon lycée pour le pot de retraite d'une collègue. La proviseure, la chef d'établissement, a fait donc un discours pour la fin de l'année, pour se faire la retraite, bref. Etc. Elle a commencé en disant, c'est super mort de rire, que c'était, alors comme l'appli, je n'en aurais jamais comment elle s'appelle, mais en bref, c'était l'IA qui lui avait fait son discours. Il y a une appli qui l'a connue. Oui, mais voilà, ChatGPT. Elle a démarré en disant, je vais en discours, je l'ai fait faire par ChatGPT. Waouh, super, le proviseur de lycée, yeah. Et j'avoue que c'était parfait. C'est pas bien engagé. C'est une établissement qui venait d'arriver, enfin, il y a plus de 2-3 ans. Ouah, elle savait tout trop bien sur les. Bah, voilà, elle avait tous les mots-clés, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Oui, c'est oui. Que la planche. Mais c'était juste parfait. Oui. Mais c'est sans intérêt. Mais sans discours parfait et sans intérêt. Qui doit pas faire un discours. Mais ça se voyait que c'était un texte artificiel. Bah, sous le coup, ouais. Bah, de toute façon, elle l'a dit dès le départ. En plus, elle a vendu le truc, c'était facile. Après, c'est joli. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. Eh ben ouais. Ça, c'est beau. C'est génial. Glisser, c'est... Et maintenant, voilà, tu vas à l'enterrement et tu fais faire ton discours d'enterrement à ChatGPT. Tu vas à un mariage et tu fais faire ton discours au marié par ChatGPT. Tu fais l'anniversaire de tes potes et tu leur fais faire le discours par ChatGPT. Et tu as besoin d'une chanson pour l'anniversaire du petit. Et c'est ChatGPT qui va te prendre la super chanson. Alors, c'est bien ce que tu dis, c'est l'homme qui dit. Temps en temps, c'est la pensée. C'est la pensée qui est attaquée. Mais oui, c'est aussi, voilà, bien sûr. C'est beaucoup de choses qui sont interdites. C'est la question de l'imaginaire, qui est de la création et de l'imaginaire. Et d'ailleurs, dans 1984, comme Zamyatin, c'est la question centrale. D'ailleurs, à la fin de Zamyatin, les types sont opérés pour leur ôter l'imagination. C'est ça. Ce qu'il faut, c'est absolument construire un humain sans penser, qui n'est plus rien, qui est une machine. C'est tout. Et sans les voilà. Pardon. Sans les ça fait longtemps que ça a disparu. Ça, on va quand même pas en dire sur un vieux sujet. Mais du coup, on voit aussi quand même qu'on est sur le truc. La liberté de penser, on pense à l'intérieur de la pensée que la société nous construit. Oui, vous pensez à l'intérieur du temps. Vous pensez à l'intérieur du temps. Or, le temps avec lequel vous pensez est un temps qu'on vous a mis en tête. On pense quand même. Il y a quand même des choses. Ne soyons pas trop. Qui commence à amener d'autres dimensions dans l'humain, quand même. Il faut les chercher. Alors, ils ne sont pas présentés par la télé. Oui, même à l'université, j'ai croisé un collègue qui est dans l'enseignement supérieur qui me disait que donc il témoignait de dissertes fait par les étudiants avec ChatGPT déjà depuis un an, dans deux peut-être, je ne sais pas. Et lui-même, il a fini par me dire bon, bah, évidemment, on lutte contre ça, on essaie de. Mais il a reconnu que là, il avait demandé, non pas pour des formulaires ou des QCM, ça ne marchait pas bien, mais je ne sais plus pour rédiger quel exercice, l'aide de ChatGPT, que ça marchait très bien, donc lui-même utilise aussi à son profit et donc dans son enseignement. C'est ce qui pose question. Mais toujours, c'est ce que je voulais dire, en fait. Et on revient toujours à la même chose, parce que même l'ordi au départ, et puis l'internet au départ, et puis etc. Enfin, moi, je nie pas l'intérêt du moment où on le fait. Enfin, voilà, ce sont des outils, parfois pratiques, etc. Mais en fait, à chaque fois, ça nous dépasse trop, quoi. Et en fait, c'est-à-dire que finalement, l'humain, en gros, peut-être, je ne sais rien, pour revenir à ton thème, donc il a inventé, la technologie, voilà. Mais en fait, il s'est tout le temps fait dépasser par. En fait, c'est une technologie non maîtrisée. On pourrait peut-être imaginer qu'il est. Ça pourrait exister une technologie maîtrisée. Oui, mais elle était totalement maîtrisée. A été totalement maîtrisée chez les anciens. Le problème, c'est de confondre la nature avec la machine. C'est pour ça que c'est pas la même chose. La technique était totalement maîtrisée. Les Chinois avaient de la technique, elle était totalement maîtrisée. La technique est totalement maîtrisée. La nôtre ne l'est pas parce qu'elle est, c'est construite d'une autre manière, comme une en remplacement de la nature. Donc c'est là que ça va, qui est la différence. Et donc on maîtrise plus, puisqu'on n'a plus de nature. On n'a plus de nature indépendante. Donc on ne peut plus maîtriser. Et puis, je trouve que nos collègues, divers et multiples, manquent un peu de sens de la résistance. Ils manquent un peu de sens de la résistance. Ils devraient quand même savoir ce qu'est un être humain, sa dignité par rapport à tout ça. Or ça, ils ne le savent pas. Oui, au fond, ben, l'une après l'autre, hein, pas en... On ne peut pas sortir, je pense qu'on ne peut pas faire de petits pas et pour sortir, il faut en sortir de la machine. On peut pas, on peut critiquer quelque chose et après d'autres on l'utilise parce que ça va rien faire. Mais alors, je pense à quoi ça sert de, par exemple, avec toute cette discussion avec l'IA, de ne pas utiliser l'IA, vu que est-ce qu'on peut sortir de la machine comme ça ou est-ce qu'il ne faut pas, parce qu'il faut quand même, je pense, Il y a un plus fort, oui. Un coup, y aller, oui. Direct. Il existe par exemple dans mon livre, mais je pense à ces conversations en anglais d'une écrivaine Zibeleberg de Suisse. Et là, il y a par exemple de gens qui font avec des informatiques, ils font une crash. Et après, la machine se casse. Mais c'est ça un peu la question que je me demande parfois, à quel point ça sert de sortir de la technique, mais que dans quelques domaines, si on ne peut pas casser toute la machine. Ça, c'est le problème. Ce qu'il faut, c'est penser autrement. C'est pour ça que j'essaye de montrer d'où ça vient et qu'on peut penser autrement. Il n'y a pas du tout de raison d'être assujetti à la machine. Elle ne résout pas nos problèmes, la machine. Elle ne les résout pas. Elle résout des problèmes techniques, mais elle ne résout pas nos problèmes. Elle résout les problèmes que se pose notre société, qui ne sont pas des problèmes que se posent d'autres sociétés. C'est en ce sens que nous sommes aussi assujettis à la machine. Les problèmes qu'on nous pose, écrire un article via l'IA, mais enfin n'importe quel individu dans n'importe quelle société normale, ils ont écrit un texte. Et là, on l'écrit à travers l'IA, parce que l'IA nous... idéologique est considérable. Je vais raconter une petite histoire que j'aime bien, qui consiste et qui a un rapport avec moi et un livre que j'avais publié. En 1993, j'ai publié un livre, un assez beau livre d'ailleurs, qui s'appelait sur l'histoire de l'arc-en-ciel. L'histoire de l'arc-en-ciel, voilà. Et en 93, nous avions mis, l'éditeur et moi, enfin surtout et un ami, on avait dit ce qu'on pourrait faire avec ce qui serait bien pour ce livre, 94. On devrait faire un site internet. 94. On devrait faire un site internet et sur le livre, et sur la couverture du livre, il y avait un disque en carton qui disait, voilà, vous pouvez aller sur tel site internet et vous pouvez jouer avec l'arc-en-ciel. C'est-à-dire, vous pouvez augmenter les gouttes, la taille des gouttes, tout ça pour faire monter des centres d'arc-en-ciel, etc. Vous amuser comme ça. Bon, j'allais dire, bah, c'est sympa. Mais je dis tout le monde, non, mais il me dit, le problème, c'est pas que les gens aient des ordinateurs, c'est qu'ils s'amusent avec ça. Alors, à Paris, on l'avait mis dans deux librairies. Chez Joseph Gibert, il y avait ça, et à côté, il y avait un ordinateur. Et les gens pouvaient acheter le livre et s'amuser gratuitement, évidemment, sur l'ordinateur. Il y avait une deuxième librairie, une troisième, voilà, on avait fait ça. Alors, je vais vous donner les résultats. Nous étions en 94-95. Le livre s'est pas mal vendu, c'était un beau livre. Il n'y a pas eu une personne qui a été voir quoi que ce soit sur l'ordinateur. Nous étions en 94. Pas une. Il n'y a pas eu une. Sauf moi qui ai regardé ce que ça se passait. Mais pas une. 5 ans plus tard, tout le monde voulait faire ça. Le poids de l'idéologie est considérable. Tout le monde s'en foutait. Ça n'intéressait personne. Et je suis même allé voir Gilbert, je vais essayer. Mais non, mais les gens, ils prennent le livre, ils regardent ça, puis ils partent. Ils s'en foutent. Donc il n'y avait aucun intérêt pour ça. L'intérêt, il est socialement construit. Mais c'est la vitesse à laquelle toutes ces techniques apparaissent, mais ça va à toute vitesse. Oui. Parce que Internet, effectivement, mon boulot, je vois, c'est 95. Voilà. Et d'un coup, après, plus personne ne pouvait s'en passer. Voilà. Les téléphones portables, avant, il y avait des cabines téléphoniques, de téléphonettes. D'un coup, il n'y en a plus. Voilà. Et tout le monde a son portable. Et là, il n'y a pas de différence socialement. Et là, tu as. C'est la vitesse, quoi. Ouais, la vitesse. Qui sait, il y a des philosophes qui ont écrit sur la vitesse, ouais, des choses. Moi aussi. Toi aussi, moi aussi ouais. Parce que c'est complètement dingue. Bah, oui, on a besoin d'aller si vite. Hein. Time is money. Mais time is money, c'est tout. Oui, oui. Pendant ce temps-là, les tiroirs-caisses des entreprises. Plus ça tourne, plus c'est productif, plus les machines sont productives, plus on encaisse. Plus on il y en encaisse. A qui encaissent. Certains encaissent. Ouais. Ah, bah oui, non, mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas déconner. Le capitalisme, c'est pas pour tout le monde. Non, ça concerne que quelques-uns quand même. Oui, là-bas. Là-bas, oui, parce que. Oui, tout à l'heure, on parlait qu'on ne maîtrise pas la machine, on ne maîtrise plus la technique et le développement des technologies. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce concept de maîtrise. Enfin, surtout, ça dit qu'on est assujetti à la machine. En fait, on n'est pas assujetti sans qu'il y ait une maîtrise quelque part qui organise un assujettissement. Enfin, je pense qu'il y a aussi une responsabilité. Qu'est-ce qui sont les gens qui pensent Donc, on a parlé de la technocratie avant. Qu'est-ce qui sont les gens qui pensent à la technique, au développement de la technique? Et enfin, c'est pas du tout un délire de complot, mais il y a des gens qui pensent, qui créent ces choses-là, qui se disent que ça fait du sens dans la façon dont ils pensent la société et dont ils pensent la société comme une machine. En fait, il y a une forme de création quelque part. Et se dire qu'on ne maîtrise plus, pour moi, c'est enlever la responsabilité aux personnes qui pensent ce processus et qui vont toujours plus loin dans la création des machines. Parce qu'eux, ils ont des intérêts, en fait. Ils voient un but quelque part. Enfin, c'est pas, du coup, c'est maîtriser, pas maîtriser. Moi, je... C'est pas, c'est on pas... est noyé, certes, mais il y a la maîtrise quelque part. Donc, moi, je suis maîtrisé par les gens. Alors, je ne serais moins optimiste sur ceux qui le... sur ceux qui le pensent. Il y a ce... on croit que certains maîtrisent, on ne sait pas exactement qui maîtrise quoi. C'est une structure, la technocratie. Pour ça, j'appelle ça la robe du technique. C'est une structure. Et cette structure, si on fait des entretiens avec les grands pontes de la Silicon Valley ou tout ça, les types, ils sont timbrés. Hein, il n'y a pas de problème, c'est clair. Donc, ils ne vivent pas. Il y avait Kurzweil. C'est le directeur de Google. Voilà. Et alors, j'avais vu un film où il était présenté. Et alors, le type, il a exactement le même âge que moi. Et alors, le type disait, je veux vivre jusqu'à 100 ans. Bon, ça, c'est une bonne idée. Et je prends 100 médicaments par jour. Et pour pouvoir à 100 ans mettre mon cerveau, vider mon cerveau sur un disque dur, et après se faire congeler ou un truc comme ça. Bon, c'est un des directeurs de recherche de Google. Ils sont nombreux comme ça. Bon, moi, à mon avis, c'est qu'il faut les arrêter, les mettre tout de suite à l'asile pour penser à autre chose. Parce que c'est leur propre folie qui vous rend fou. C'est ça le problème. C'est ça de la folie, en fait. Enfin, je pense que c'est dangereux. Désolé, je t'interromps, mais je trouve que dire qu'ils sont fous, c'est leur enlever leur responsabilité. Non. Aussi parce que c'est vrai. Disons que c'est des hommes de la machine. Voilà. C'est des hommes de la machine et ils n'ont de cesse que d'amplifier la machine et nous de nous mettre dedans et d'exercer leur propre pouvoir. Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière ça, ils exercent leur pouvoir sur nous. C'est tout. Mais effectivement, ils sont, d'un certain point de vue, pour le commun des mortels, ils sont très particuliers quand même. Très particuliers. Mais lui, Kurzweil, c'est vraiment bizarre. Bon, alors moi, je me suis dit que je vivrais peut-être jusqu'à 100 ans, mais les 100 médicaments par jour, je m'appuie. En plus, vous souhaitez continuer de vendre un petit verre? Ah ben, on peut, oui. Comment on peut s'extraire de tout? À la déclaration de la guerre de l'Allemagne en Russie en 14, il y a la déclaration de guerre, donc... Et Kafka a écrit dans son journal aujourd'hui déclaration de la guerre. Cet après-midi, j'ai pissé. Cet après-midi, j'ai pissé. Ah. C'est un acte de liberté. Ouais, c'est-à-dire de ne pas se faire prendre. Oui, oui. Dans toute la société va, c'est-à-dire on a la guerre, tout le monde, on va se. C'est beau ça. Et c'est vraiment, c'est un homme libre à ce moment-là quand il écrit ça, c'est la liberté. Mais la liberté dans l'exercice de la résistance et donc de l'effort. Oui. Or, on n'est pas du tout dans une société prête à faire des efforts et à résister, somme toute. Elle ne résiste pas à ce à quoi elle devrait résister, c'est surtout ça le problème. Ça, je ne suis pas d'accord, parce que moi, je trouve que justement, il y a un effort perpétuel que la technique nous demande à s'adapter à elle. Parce qu'elle prétend, et ça, c'est vraiment idéologique, que c'était simple. Alors qu'au contraire, on a tous, au fond de nous, le sentiment d'avoir dû endurer pour pouvoir se rapprocher d'elle. Parce qu'en fait, c'est toujours une conjonction, hein, c'est-à-dire qu'une rencontre, c'est toujours. Deux choses. Hein. Et quand on dit l'IA, qui est pour moi une façon d'en parler qu'on ne devrait même pas utiliser, hein, parce que ça contribue à la foi en ça. Hein. C'est-à-dire que rien n'a changé, ce ne sont que des algorithmes qui s'entremêlent, mais bon, on dit IA et tout le monde se dit tiens, il y a un changement. Ça, personne. Il y a un changement profond, on commence à en parler comme si c'était quelque chose. C'est une fiction qui, pour moi, participe du fait de la toute-puissance de ce règne, qui fait qu'en fait, les croyants que nous sommes doivent aussi penser qu'elle a un pouvoir omniscient, en fait, cette technique. Et en fait, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on a l'impression que la technique faciliterait les choses. Et non, elle ne facilite pas les choses. Non. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on a constamment cette espèce de devoir d'oubli des sacrifices engendrés par ce rapprochement. Et forcément aussi ce rapprochement qui entraîne quoi ? Qui entraîne que quand on veut voir si je ne sais trop quel logiciel qui devrait reproduire quelque chose est bon ou pas, sur quels critères on le fait en fait ? Sur le critère déjà d'un homme qui est connecté sur la machine, sur quelqu'un qui en fait estime que penser, c'est penser devant un ordinateur. Et c'est ça qui pour moi, c'est pour ça que j'ai pas l'impression qu'on est à faire beaucoup d'efforts en fait pour s'en extraire. Et parce que cette négation-là, j'ai l'impression qu'il des fois il suffirait de la dire. Il suffirait de la dire et de continuer à la dire en fait. Mais qu'est-ce qui se passe aussi, excusez-moi, je prends juste un peu. Ah. Qu'est-ce qui se passe aussi, c'est que j'ai l'impression que d'un autre côté, on a beaucoup parlé des gens qui seraient technophiles, etc. Par exemple, dans la critique à l'heure actuelle de ce qu'on appelle réchauffement climatique, de ces choses-là. La quantification, le fait de considérer tout problème comme un problème de quantification, quantification de CO2, quantification de ceci, c'est-à-dire le fait de commencer à parler le langage scientifique et de penser qu'en fait, pour s'opposer à quelque chose, il faudrait se plier à ce genre de choses. Pour moi, là aussi, on est en train de faire le jeu, en fait. On est en train de faire le jeu de la société technicienne, de cette machine que vous appelez machine, etc. Moi, je ne suis pas forcément d'accord sur le fait qu'on soit dedans ou dehors, ça c'est un autre problème. Mais moi, j'ai l'impression que dans tout ça, on est en train de faire le jeu de ça, en fait. Et de même, j'ai l'impression qu'on a pu parler tout à l'heure de la science médicale, mais quand même, on a une mémoire qui est assez courte des fois, parce qu'en 2020, quand même, il s'est passé quand même un choc assez grand à ce niveau-là, qui a quand même instauré une peur assez énorme dans les esprits, avec un grand consensus partagé, quand même, et une difficulté de pouvoir parler autrement. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Maintenant, peut-être que quelques années plus tard, on pourra commencer à se faire mettre. Mais où finalement, à part peut-être certains milieux qui s'étaient déjà un peu affranchis, on va dire, en tout cas, on va dire, pris toutes les attaques de la pseudo-gauche radicale, je pense un peu au milieu anti-technologique, à part certains milieux comme ça, la parole était quasiment anéantie à ce moment-là. Mmh. Oui, c'est juste. Anéantie. Mais vous avez raison, vous êtes en train de sortir de la machine, précisément. Vous n'y êtes jamais entré. Je ne sais pas si je suis rentré. Votre position, position à l'intérieur et à l'extérieur. Oui, mais de toute façon, la raison fait que quelque part, on est quelque part à l'extérieur. Et la simple possibilité de nier ce qu'on a construit, si tant est qu'on soit des êtres humains, hein, parce que ça aussi, il faudrait le discuter. Hein. Non pas pour parler d'autres choses, du transhumanisme, hein, c'est-à-dire que finalement, l'être humain se construit avec tout le processus que vous avez décrit. C'est-à-dire qu'on le naturalise aussi comme s'il y avait quelque chose qui s'appelle l'être humain. Il y a des gens. Il n'y a pas des êtres humains. Ouais. Ok. Ouais. Non, mais c'était... Donc, il y a eu Kafka et après il y a vous, donc c'est pas mal. C'est une bonne fin. Moi je trouve que c'est bien. Donc, on peut aller se saouler maintenant. Voilà, mais il n'y a plus que ça à faire. Vous pouvez aussi lire le bouquin de Michel parce qu'il vous a. Ne croyez pas qu'il vous a tout dit en une heure de blabla. Il y a d'autres choses dans ce bouquin. Je te remercie pour le blabla. C'était l'amical. Et donc le livre est disponible. Et oui, tu peux dire un mot sur ton prochain livre. Le prochain livre, je le fais avec quelqu'un qui aurait dû être là, mais Renaud Garcia, mais il s'occupe de sa fille, donc il doit être pris dans les embouteillages. Ça sera publié à l'échappée et ça s'appellera Être naturien.